J'aimerais voyager, d'ici partir. J'aimerais être libre et vivre un moment de danse, une valse qui chante. Abandonne qui suis-je? Que suis-je devenu? Seule certitude, j'ai tout perdu. Emportez-moi vers d'autres cieux, vers d'autres sons.